8h20, dernier 8 minutes de la descente du lit pour cette semaine. Et on accueille Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, le ITIS, ici à l'Université Laval. Bonjour Raymond. Bonjour David. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va, merci. Donc aujourd'hui, on parle de e-gouvernement. Oui, en fait, il faut dire, il y a un gros projet qui est arrivé à l'université au cours du début d'automne. Il s'agit de e-gov Polynet, en fait, qui est une collaboration internationale à laquelle collabore l'Université Laval. C'est une grande entreprise de réflexion collective qui va nécessairement être crucial pour l'avancement du dossier du e-gouvernement. Donc, on parle du gouvernement en ligne ou de tout ce qui est lié à une certaine forme de gouvernance qui va mieux intégrer les technologies de l'information dans ses relations avec les citoyens et les citoyennes. Et en fait, globalement, peut-être pour présenter le projet, c'est une initiative qui vise à mettre en place une communauté de savoir et de pratique dans cette sphère-là, une association d'experts et de praticiens pour nourrir une réflexion collective, pour favoriser le partage d'expertise, parce qu'il y a des développements qui se font en Europe, en Amérique, en Australie, bref, un peu partout dans le monde, mais souvent, ce qui a été remarqué, c'est que ces initiatives-là avaient difficilement une portée vers l'international, donc ils restaient dans une perspective nationale ou provinciale, et donc avec ce projet-là, ben ça va être plus facile de mettre en commun tout ça, et également de faire venir des experts d'ailleurs ici, d'aller ailleurs pour parler des initiatives que nous, on développe, et de partager également les idées. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a comme projet? Qu'est-ce qui a été mis en place dans ce fameux projet de e-gov? Pour l'instant, en fait, l'initiative elle-même, c'est vraiment une piste de réflexion et de mise en commun. Cela dit, il y a certains pays qui sont plus avancés que d'autres dans la mise en place de gouvernance électronique. On pense par exemple à l'Angleterre qui a déjà commencé à intégrer par exemple une certaine ouverture des données, certaines provinces canadiennes aussi qui rendent à tout le moins donc ce qu'on appelle du hard data disponible, donc des sondages, des statistiques pour exemple des développeurs qui pourraient intégrer ces initiatives-là. On sait qu'il y a d'autres gouvernements, ici au Québec, il y a quelques ministères qui le font, qui se sont mis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour favoriser un peu les échanges. De manière plus basique, si on me permet l'expression, simplement le fait de mettre des formulaires, par exemple, ou de l'information sur les sites Internet, c'est déjà une forme de gouvernance électronique, donc c'est déjà un accès alternatif autre que le téléphone ou que simplement de se présenter sur place. Puis le portail canadien, quand même, canadien et québécois sont quand même bien développés. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a fait la promotion depuis un certain nombre d'années aussi. Exactement. Il y a des améliorations, bien entendu, qui peuvent être faites. Il y avait un sondage qui avait été fait par un organisme, le CEFRIO, le printemps dernier, qui avait noté, par exemple, que pour aller chercher de l'information, les gens avaient réflexe d'aller sur Internet, d'aller sur notamment les sites gouvernementaux pour voir les demandes, les possibilités, les programmes. Mais par contre, pour tout ce qui était de remplir des formulaires et de rentrer dans des actions techniques peut-être un peu plus complexes, ben là, les gens préféraient soit utiliser des intermédiaires, exemple pour les impôts, soit aller sur place pour s'assurer justement de la bonne suite des choses. Donc, on avait quand même encore certaines craintes face au site. Il y avait encore aussi certains problèmes qui avaient été identifiés face à la facilité peut-être de trouver certaines informations. Donc ça, c'est pour Internet. Parallèlement, il y a certains ministères aussi qui ont commencé à mettre en place des initiatives de, je dirais pas de télétravail, mais de téléconférence. Donc plutôt que de se déplacer pour aller rencontrer certaines clientèles, donc d'utiliser Skype, d'utiliser de la visioconférence, des initiatives comme ça. On voit donc que c'est en train de naître, c'est en train de progresser, mais il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver à un véritable gouvernement électronique qui serait vraiment intégrateur. Mais faut dire que c'est difficile. En tout cas, là, je lance une piste de réflexion là-dessus, puis c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça soulève plusieurs questions, effectivement. Si on pense au vieillissement de la population, entre autres ici au Québec, on peut pas dire que les gens de, par exemple, 50 ans et plus, là, je donne une tranche d'âge comme ça, mais tu sais, ça peut être 60 ans et plus, dépendamment, ne sont pas tous à l'aise avec l'électronique. Donc, on peut pas encore, peut-être dans une trentaine d'années peut-être, qu'on va pouvoir impliquer ça. Et là, je dis ça sous toute réserve, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec un ordinateur non plus. Exactement. Et parallèlement, c'est pas tout le monde non plus qui a accès à un ordinateur. C'est intéressant. Ah oui, en fait, je ramène vers l'ONU, tiens. L'ONU, tout récemment, a fait une sortie pour dire qu'il fallait justement davantage utiliser l'outil Internet afin de renforcer la transparence et l'efficacité de la gouvernance. C'est un discours qui a été prononcé autour du 30 septembre sur au Forum sur la gouvernance assistée par Internet. Donc, Thomas Selzer, le sous-secrétaire général pour la coordination des politiques des affaires inter-institutions, qui a dit, regardez, c'est un axe important qu'on doit développer. Mais par contre, on se rappellera qu'au printemps dernier, il y avait l'ONU qui a fait une autre sortie disant, ben, il faudrait peut-être commencer à considérer l'accès à Internet comme un droit plutôt que comme un service, puisque si justement on donne de plus en plus d'accès à l'information via le web, si on donne de plus en plus d'accès à la gouvernance via le web, eh bien nécessairement, il faut aussi s'assurer qu'il est accessible. On creuse l'écart, on crée une inégalité finalement. Exactement. Donc, faut s'assurer, en mettant en place ces services-là, que cet écart-là sera le plus amenuisé possible. Et parallèlement, faut comprendre aussi que les gouvernements ont tout avantage quand même à tranquillement aller vers le web. D'un côté, parce que les citoyens s'y trouvent de plus en plus. Parce qu'également, il y a probablement économie à faire également en offrant des services un peu plus accessibles par ces médiums-là. Et de C, parce qu'avec l'explosion également du mobile, ça va peut-être aussi donner un coup de pouce sur une certaine démocratisation, entre guillemets, de cet accès-là. Donc ça sera à surveiller. Tu me demandais tout à l'heure, en terminant, David, au gouvernement du Québec, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en place? Donc, on l'a dit, oui, il y a des projets qui sont en train de naître, mais également... Mais il y a aussi le vote électronique, là, qui est une grosse question. Ben oui, ça rentre là-dedans aussi. Il y a vraiment une pléiade, en fait, de catégories. On parle de vote électronique, on parle de télémétrie, de Bluetooth, d'Internet des objets, de carte à puce, dossier santé informatique, bref, tout ce qui est lié à l'informatique. Mais d'un point de vue purement des services, le gouvernement du Québec a mis en place une consultation publique qui est en cours présentement, la consultation Gautrain sur le web 2.0, où il demande aux citoyens et citoyennes, venez proposer des idées comment on pourrait l'utiliser Internet pour justement mieux desservir les citoyens et citoyennes. Alors si vous cherchez dans Google par exemple le Gautrain 2.0, vous devriez trouver les informations autour de ça. Mais si ce n'est de dire en conclusion, regardez, il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. On en reparlera sûrement. Et l'université est entrée de plein pied avec Igof Polinette dans cette mise en commun des réflexions. Bien, merci beaucoup, Raymond Poirier. Très intéressant, encore une fois. Et puis, on placera peut-être quelques informations là-dessus sur notre blog d'émission pour que vous ayez des détails. Merci, Raymond.